Sauf que c'est pas écrit pareil, comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil, comme le café. Comme le café. Comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil, comme le café. Comme le café. Comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Cette chanson parle des gens qui aiment se mettre à balle de stimulo, se ruinant le porte-monnaie. C'est pourtant bien moins coûteux, la dope au café. Comme le café, comme le café, comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Comme le café, comme le café, comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. La cocaïne, comme le café, mort, comme le café, la vie, comme le café, c'est pas écrit pareil. Comme ça, hein? Et l'héritage, l'héritage. Tiens, pensez ça, l'héritage. Arrêtez d'offrir du café à la fête des grands-mères. Après, les jeunes se font agresser tellement qu'elles sont vénères. Comme le café, comme le café, comme le café. Sauf que c'est pas écrit pareil. Mais oui, je suis calme. Mais je suis très bien. Ok? Arrête maintenant.